Ézéchiel chapitre 36. Et toi, fils d'homme, prophétise aussi touchant les montagnes d'Israël, et dis, montagne d'Israël, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce que l'ennemi a dit contre vous, tous les lieux haut élevés, qui même sont d'ancienneté, sont devenus notre possession. C'est pourquoi prophétise, et dis, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce, oui, parce qu'on vous a réduite en désolation, et que ceux d'alentour vous ont englouti, afin que vous fussiez en possession au reste des nations, et qu'on vous a exposé à la langue et aux insultes des nations. À cause de cela, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur, l'Éternel, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, aux montagnes et aux coteaux, aux courants d'eau et aux vallées, aux lieux détruits et désolés, et aux villes abandonnées qui ont été en pillage et en moquerie au reste des nations qui sont tout alentour. À cause de cela, dis-je, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, si je ne parle en l'ardeur de ma jalousie contre le reste des nations, et contre tous ceux d'Idumée, qui se sont attribués ma terre en possession, avec une joie dont leur cœur était plein, et avec un mépris dont ils se faisaient un grand plaisir, pour la mettre au pillage. C'est pourquoi prophétise touchant la terre d'Israël, et dit aux montagnes et aux coteaux, aux courants d'eau et aux vallées, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ai parlé en ma jalousie et en ma fureur, parce que vous avez porté l'ignominie des nations. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, j'ai levé ma main, si les nations qui sont tout autour de vous ne portent leur ignominie. Mais vous, montagne d'Israël, vous pousserez vos branches, et vous porterez votre fruit pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts à venir. Car me voici, je viens à vous, et je retournerai vers vous, et vous serez labourés et semés. Et je multiplierai les hommes sur vous, savoir, la maison d'Israël tout entière, et les villes seront habitées, et les lieux déserts seront rebâtis. Et je multiplierai sur vous les hommes et les bêtes, qui multiplieront et fructifieront, je ferai que vous serez habités comme anciennement, et je vous ferai plus de bien que vous n'en avez eu au commencement, et vous saurez que je suis l'Éternel. Et je ferai marcher sur vous des hommes, savoir, mon peuple d'Israël, qui vous posséderont, vous leur serez en héritage, et vous ne les consumerez plus. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, parce qu'on dit de vous, tu as un pays qui dévore les hommes, et tu as consumé tes habitants. À cause de cela, tu ne dévoreras plus les hommes, et ne consumeras plus tes habitants, dit le Seigneur, l'Éternel. Et je ferai que tu n'entendras plus l'ignominie des nations, et que tu ne porteras plus l'opprobre des peuples, et tu ne feras plus périr tes habitants, dit le Seigneur, l'Éternel. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée, en disant, fils d'homme, ceux de la maison d'Israël habitant en leur terre, l'ont souillé par leur voix et par leurs actions, leur voix est devenue devant moi, telle qu'à la souillure de la femme séparée à cause de son impureté. Et j'ai répandu ma fureur sur eux, à cause du sang qu'ils ont répandu sur le pays, et parce qu'ils l'ont souillé par leurs idoles. Et je les ai dispersés parmi les nations, et ils ont été répandus par les pays, je les ai jugés selon leur voix et selon leurs actions. Et étant venus parmi les nations au milieu desquelles ils sont venus, ils ont profané le nom de ma sainteté, en ce qu'on a dit d'eux, ceux-ci sont le peuple de l'Éternel, et cependant ils sont sortis de son pays. Mais j'ai épargné le nom de ma sainteté, lequel la maison d'Israël, avait profané parmi les nations au milieu desquelles ils étaient venus. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, je ne le fais point à cause de vous, ô maison d'Israël, mais à cause du nom de ma sainteté, que vous avez profané parmi les nations au milieu desquelles vous êtes venus. Et je sanctifierai mon grand nom, qui a été profané parmi les nations, et que vous avez profané parmi elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, quand je serai sanctifié en vous, en leur présence. Je vous retirerai donc d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout pays, et je vous ramènerai en votre terre. Et je répandrai sur vous des honnêtes, et vous serez nettoyés, je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous, je ferai que vous marcherez dans mes statuts, et que vous garderez mes ordonnances, et les ferez. Et vous demeurerez au pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai le froment, je le multiplierai, et je ne vous enverrai plus la famine. Mais je multiplierai le fruit des arbres, et le revenu des champs, afin que vous ne portiez plus l'opprobre de la famine entre les nations. Et vous vous souviendrez de votre mauvaise voie, et de vos actions qui n'étaient pas bonnes, et vous détesterez en vous-même vos iniquités et vos abominations. Je ne le fais point pour l'amour de vous, dit le Seigneur, l'Éternel, afin que vous le sachiez. Soyez honteux et confus à cause de votre voie, ô maison d'Israël. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, au jour que je vous aurai purifié de toutes vos iniquités, je vous ferai habiter dans des villes, et les lieux déserts seront rebâtis. Et la terre désolée sera labourée, au lieu qu'elle n'a été que désolation en la présence de tous les passants. Et on dira, cette terre-ci qui était désolée, est devenue comme le jardin d'Éden, et ces villes qui avaient été désertes, désolées, et détruites, sont fortifiées et habitées. Et les nations qui seront demeurées de rester autour de vous, sauront que moi, l'Éternel, j'aurai rebâti les lieux détruits, et planté le pays désolé. Moi, l'Éternel, j'ai parlé, et je le ferai. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, encore serai-je recherché par la maison d'Israël, pour leur faire ceci, savoir, que je multiplie leurs hommes comme un troupeau de brebis. Les villes qui sont désertes seront remplies de troupes d'hommes, tels que sont les troupeaux des bêtes sanctifiées, tels que sont les troupeaux des bêtes qu'on amène à Jérusalem en ces fêtes solennelles, et ils sauront que je suis l'Éternel.